OF19, activité 43. Indiquez le nombre de syllabes dans les mots ou groupes de mots suivants. 1. Oui. 2. Très. 3. Une heure. 4. Bonjour. 5. Au revoir. 6. Il fait beau. 7. Il pleut. 8. À bientôt. 9. Mercredi. 10. Vendredi matin. 11. Le lundi 12 mai. 12. C'est occupé. 13. La sécurité. 14. Avenue des Pins. 15. Belle initiative. 16. Boulevard René Richard. 17. Bonne fin de semaine. 18. 18 juin 2004.